je veux être le number one, pas le second ni le troisième. Je veux les liasses et les palaces, c'est partir en croisière. Des demoiselles, des gazières, des casiers bien remplis. Faire cramer l'ampli, pas tomber dans l'oubli. Tantôt pile, tantôt face, on tata ça remet en place. C'est pour mes chiens de la classe qu'on l'arrache quand le temps passe. J'en change, change les gens, à force tu prends des claques. Je veux des billets briller, vivre libre et vibrer dans les bacs. Bac, bac, dans le y'a du monde à se mettre en poche. Dans le hall ou dans le Porsche, en tôle ou en port. J'aime quand c'est chaud, quand ça te fait saut. J'ai du Zeyo pour mon réseau. Dans moi de la maille, je te sors un album de bâtard. Trop ghetto comme Albator, qui chère elle comme l'abattoir. Pas d'avatar, un mec arrête de faire le clown, tu te prends pour avatar. Crois que la vie est belle, putain de merde, dis-toi que ça va pas. Ici c'est Faisal et KSI, fut AK-47. Dino S, viens pas 13, viens pas tous tes 45. Toujours râler, toujours anti-fils de script. Je reviens reprendre mon vieux alors qu'ils aillent niquer leur. On veut de la maille pour changer de perspective. Depuis longtemps j'opère ici, rêvant de quitter cette terre stérile. On veut de la maille, pas prêt à taper pour tout ton flou. C'est fou ce que les sous rendent dingue et peut faire vibrer les fous. On veut de la maille pour se mettre bien, se mettre à l'aise. Nous et toutes nos familles, partir loin les valises pleines. On veut de la maille, on veut du cash, on veut du Zeyo. Si t'es chaud, lève les bras en l'air et crie yo. On veut se mettre bien, être frais, j'espère faire. L'été sur la terre ferme, numéro 1, niquer les adversaires. Se mettre à l'aise, gratter du cash monnaie. Sans cachetonner, veuillez me pardonner. L'instru, je l'ai cartonné. Les faux, c'est cartoqué. Les putes repartent choquées. Moi, mes gars, eux restent ok. Quand l'espoir s'est disloqué, la rage qui est stockée. On n'a rien à t'estorquer. Mes rimes, mon sport, c'est des phases prêtes à s'exporter. Alors balance la fraîche, histoire qu'on fasse la fête. Fini les prises de tête, et qu'on voit pour après. Les galères nous apprennent qu'ici y a plus de temps à perdre. Que prendre son temps, ça vaut la peine. Il s'agit de se faire du peste. Mais on donnera pas notre boule, on ira jusqu'au bout. On tiendra bon ma couille car la roue tourne. Un jour ce sera notre tour, on sent pas du cours de la bourse. On perd au coup par coup, en bref on court partout. Rêvant des déblats comme partout. On veut la maille, le Zeyo, on veut la caille, le PSO. On veut les dollars, les euros, on veut de la fraîche à mettre à gauche. Ça paye en espèce, check American Express. Check paye en sexe, on veut de la maille et des fesses. On veut de la maille, palper des barres dans des apparts. Du joueur sous la parka, avoir des techniques apparables. On veut de la maille pour être bien, même en taule, Beretta sous le manteau à la Marlon Brando. On veut de la maille, faut que ça rentre, faut qu'on gratte, qu'on prenne tout ce qu'on peut prendre et qu'on fasse sauter la baraque. On veut de la maille, on veut du cash, on veut du Zeyo. Si t'es chaud, lève les bras en l'air et crie yo. Ouais, comme on a faim, on a la dalle, on a les crocs. On veut palper avant la fin, mais sur la dalle ça galère trop. Dans le rétro, y avait les pros et à l'époque on était pros. Aujourd'hui on l'est toujours, mais la richesse c'est peut-être autre chose. C'est dans le cœur que ça situe. Et les propos sont assidus. Ici trop de lassitude. Ouais, lunatique est assidue. L'oxygène n'est pas si pur quand on prend de l'altitude. Nos fissures faut qu'on titube. Bien la main change nos attitudes. L'habitude c'est l'habitude. L'inquiétude sur le bitume. Ma petite plume, le manque de tube. Faut qu'amplifier mes aptitudes. Pour de la maille, y'en a qui tue. Et puis y'en a qui suce. Qui arnaque et puis qui ruse. Qui abuse quand d'autres s'usent. À la tâche comme les darons pour une retraite de merde. Dans la cage, on tourne en rond pendant qu'on me traite de merde. Et sur ma tête, mon frère, y'a de l'oseille à se faire. Mieux vaut ne pas se perdre. On veut de la maille. On veut de la maille, on veut de la maille. Pour changer de perspective, depuis longtemps j'opère ici. Rêvant de quitter cette terre stérile. On veut de la maille, pas le prêt à taper pour tout ton flou. C'est fou ce que les sous rendent dingue et peut faire vibrer les fous. On veut de la maille, pour se mettre bien, se mettre à l'aise. Nous et toutes nos familles, partir loin les valises pleines. On veut de la maille, on veut du cash, on veut du Zeyo. Si t'es chaud, lève les bras en l'air et crie yo. Ouais ouais, Dino S, Tri-tri, Porter. Ouais ouais, double KO, DJ l'acoustique, acoustique. Ouais ouais, 380 paradoxe, hein. Tri-tri, Porter. Connexion Orléans-Blois.